Chapitre 40. L'inquiétude vague que ressentait Herminie augmenta encore à la vue d'Olivier. Le jeune homme paraissait triste, grave, et la duchesse crut remarquer que par deux fois, il évita de la regarder, comme s'il éprouvait un pénible embarras. Embarras, hésitation, qui se manifestèrent encore par le silence de quelques instants qu'Olivier garda avant d'expliquer le sujet de sa visite. Ce silence, Herminie le rompit la première en disant « Vous m'avez écrit, monsieur Olivier, pour me demander une entrevue à propos d'une chose très grave. Très grave, en effet, mademoiselle Herminie. Je vous crois, car vous me semblez ému, monsieur Olivier. Qu'avez-vous donc à m'apprendre ? Il s'agit de Gérald, mademoiselle. Grand Dieu ! S'écria la duchesse avec effroi. Que lui est-il arrivé ? Rien ! Se hâta de dire Olivier. Rien de fâcheux. Je le quitte à l'instant. » Herminie, rassurée, se sentit d'abord confuse de son indiscrète exclamation et dit à Olivier en rougissant « Veuillez, je vous prie, ne pas mal interpréter. » Mais la franchise et la fierté de son caractère l'emportant, elle reprit « Après tout, pourquoi vouloir vous cacher ce que vous savez, monsieur Olivier ? N'êtes-vous pas le meilleur ami, presque le frère de Gérald ? Ni lui ni moi n'avons à rougir de notre attachement. » C'est demain qu'il doit faire part à sa mère de ses intentions et lui demander un consentement que d'avance il est certain d'obtenir. Pourquoi ne l'obtiendra-t-il pas ? Notre condition est pareille. Gérald vit de sa profession comme je vis de la mienne. Notre sort sera modeste et... Mais pardon, monsieur Olivier, de vous parler ainsi de nous. C'est le défaut des amoureux. Voyons, puisqu'il n'est rien arrivé de fâcheux à Gérald, quelle peut être la chose si grave qui vous amène ici ? Les paroles d'Herminie annonçaient tant de sécurité qu'Olivier sentit surtout alors la difficulté de la mission dont il s'était chargé. Il reprit donc avec une pénible hésitation « Il n'est rien arrivé de fâcheux à Gérald, mademoiselle Herminie, mais je viens vous parler de sa part. » Un moment rasséréné, le visage de la duchesse redevint inquiet. « Monsieur Olivier, expliquez-vous de grâce. Vous venez me parler de la part de Gérald. Pourquoi un intermédiaire entre lui et moi ? Cet intermédiaire fut-il même vous, son meilleur ami ? Cela m'étonne. Pourquoi Gérald ne vient-il pas lui-même ? Parce qu'il y a des choses qu'il craint de vous avouer, mademoiselle. » Herminie tressaillit. Sa physionomie s'altéra et regardant fixement Olivier, elle reprit. « Il y a des choses que Gérald craint de m'avouer à moi ? Oui, mademoiselle. » « Mais alors ? » s'écria la jeune fille en pâlissant. « C'est donc quelque chose de bien mal s'il n'ose pas me le dire. » « Tenez, mademoiselle, » reprit Olivier qui était au supplice, « je voulais prendre des précautions, cela ne servirait qu'à prolonger votre anxiété. »« Oh mon Dieu !» murmura la jeune fille, toute tremblante, « que vais-je donc apprendre ?»« La vérité, mademoiselle Herminie, elle vaut mieux que le mensonge. »« Le mensonge ?»« En un mot, Gérald ne peut supporter plus longtemps la position fausse à laquelle l'on contraint, la fatalité des circonstances et le besoin de se rapprocher de vous. » Son courage est à bout, il ne veut plus vous mentir, et quoi qu'il puisse en arriver, n'ayant d'espoir que dans votre générosité, il m'envoie, je vous le répète, vous dire ce qu'il craint de vous avouer lui-même, car il sait combien la fausseté vous fait horreur, et malheureusement, Gérald vous a trompé. Trompé, moi ? Gérald n'est pas ce qu'il paraît. Il a pris un faux nom. Il s'est donné pour ce qu'il n'était pas. Grand Dieu ! Murmura la jeune fille avec épouvante. Et une idée terrible lui traversa l'esprit. Étant à mille lieues de penser qu'Olivier put avoir une intimité dans une classe éminemment aristocratique, la malheureuse enfant s'imagina tout le contraire. Elle se persuada que Gérald avait pris un faux nom, s'était donné une fausse profession afin de cacher sous ses dehors, sinon l'humilité de sa naissance ou de son état. Aux yeux d'Herminie, le travail et l'honorabilité égalisaient toutes les conditions, mais quelques antécédents honteux. Coupable, enfin. Herminie se figura que Gérald avait commis quelque action déshonorante. Aussi, dans sa folle terreur, la jeune fille, tendant ses deux mains vers Olivier, lui dit d'une voix entrecoupée « N'achevez pas. N'achevez pas cet aveu de honte. »« De honte ?» s'écria Olivier. « Comment ? Parce que Gérald vous a caché qu'il était duc de Sainte-Terre ? Vous dites que Gérald, votre ami, est le duc de Sainte-Terre ? Oui, mademoiselle. Nous avions été au collège ensemble. » Il s'était engagé ainsi que moi. C'est ainsi que je l'ai retrouvé au régiment. Depuis, notre intimité a toujours duré. Maintenant, mademoiselle Herminie, Vous devinez pour quelle raison Gérald vous a caché son titre et sa position. C'est un tort dont je me suis rendu complice par étourderie, car il ne s'agissait d'abord que d'une plaisanterie que je regrette cruellement. C'était de présenter Gérald chez Madame Herbault comme clerc de notaire. Malheureusement, cette présentation était déjà faite lorsqu'après la singulière rencontre qui a rapproché Gérald de vous, il vous a retrouvé chez Madame Herbault. Vous comprenez le reste. Mais je vous le répète, Gérald a préféré vous avouer la vérité, ce continuel mensonge révoltait trop sa loyauté. En apprenant que Gérald, au lieu d'être un homme avili, se cachant sous un faux nom, n'avait eu d'autre tort que de dissimuler sa haute naissance, le revirement des idées d'Herminie fut si brusque, si violent, qu'elle éprouva d'abord une sorte de vertige. Mais lorsque la réflexion lui revint, mais lorsqu'elle put envisager d'un coup d'œil les conséquences de cette révélation, le saisissement de la jeune fille fut tel que, devenant pâle comme une morte, elle trembla de tous ses membres, ses genoux vacillèrent, et il lui fallut s'appuyer un moment sur la cheminée. Lorsqu'Herminie put parler, elle reprit d'une voix profondément altérée. « Monsieur Olivier, je vais vous dire quelque chose qui vous semblera insensé. Tout à l'heure, avant que vous m'eussiez tout révélé, une idée folle, horrible, m'est venue. C'est que Gérald m'avait dissimulé son vrai nom parce qu'il était coupable de quelque action mauvaise, déshonorante peut-être. Ah, vous avez pu croire? Oui, j'ai cru cela. Mais je ne sais si la vérité que vous m'apprenez sur la position de Gérald ne me cause pas un chagrin plus désespéré que celui que j'ai ressenti en pensant que Gérald pouvait être un homme avili. Que dites-vous, mademoiselle, c'est impossible. Cela vous semble insensé, n'est-ce pas? Reprit la jeune fille avec amertume. Comment, Gérald avili? Et que sais-je? Je pouvais espérer, à force d'amour, de le tirer de son avilissement, de le relever à ses propres yeux, aux miens, enfin de le réhabiliter. Mais, reprit Herminie, dans un accablement profond, entre moi et monsieur le duc de Senneterre, il y a maintenant un abîme. Oh, rassurez-vous, dit vivement Olivier, espérant guérir la blessure qu'il venait de faire, et changer en joie la douleur de la jeune fille. Rassurez-vous, mademoiselle Herminie, j'ai mission de vous avouer les torts de Gérald, mais grâce à Dieu, j'ai aussi mission de vous dire qu'il entend les réparer. Oh, les réparer de la façon la plus éclatante. Gérald a pu vous tromper sur des apparences, mais il ne vous a jamais trompé sur la réalité de ses sentiments. Ils sont, à cette heure, ce qu'ils ont toujours été. Sa résolution n'a pas varié. Aujourd'hui comme hier, Gérald n'a qu'un vœu, qu'un espoir, c'est que vous consentiez à porter son nom. Seulement aujourd'hui, ce nom est celui du duc de Senneterre, voilà tout. Voilà tout, s'écria Herminie, dont l'accablement faisait place à une indignation douloureuse. Ah, voilà tout. Ainsi ce n'est rien, monsieur, que d'avoir surpris mon affection à l'aide de faux dehors, de m'avoir mise dans cette affreuse nécessité de renoncer à un amour qui était l'espoir, le bonheur de ma vie, ou d'entrer dans une famille qui n'aura pour moi qu'aversion et dédain. Ah, cela n'est rien, monsieur. Ah, votre ami prétend m'aimer, et il m'estime assez peu pour croire que je subirai jamais les humiliations sans nombre auxquelles m'exposerait un pareil mariage. Mais, mademoiselle Herminie, monsieur Olivier, écoutez-moi. Lorsque je l'ai revu après une première rencontre, qui, par son étrangeté même, ne m'avait laissé que trop de souvenirs, si Gérald m'eût franchement avoué qu'il était le duc de Senneterre, j'aurais résisté de toutes mes forces à une affection naissante. J'en aurais triomphé peut-être, mais en tout cas, de ma vie, je n'aurais revu Gérald. Je ne pouvais pas être sa maîtresse, et je n'étais pas faite, je vous le répète, pour subir les humiliations qui m'attendent si je consens à être sa femme. Vous vous trompez, mademoiselle Herminie. Acceptez l'offre de Gérald, et vous n'aurez à redouter aucune humiliation. Il est maître de lui. Depuis plusieurs années, il a perdu son père. Il dira donc tout à sa mère. Il lui fera comprendre ce que cet amour est pour lui. Mais si madame de Senneterre veut sacrifier à des convenances factices le bonheur de Gérald, celui-ci a regret sans doute, et après avoir épuisé toutes les voies de persuasion, est décidé à se passer du consentement de sa mère. Et moi, monsieur, je ne me passerai à aucun prix, non de l'affection, elle ne se commande pas, mais de l'estime de la mère de mon mari, parce que cette estime, je la mérite. Jamais, entendez-vous bien, l'on ne dira que j'ai été un sujet de rupture entre Gérald et sa mère, et que c'est en abusant de l'amour qu'il avait pour moi que je me suis imposé à cette noble et grande famille. Non, monsieur, jamais l'on ne dira cela de moi, mon orgueil ne le veut pas. En prononçant ces derniers mots, Herminie fut superbe de douleur et de dignité. Olivier avait le cœur trop bien placé pour ne pas partager le scrupule de la jeune fille, scrupule que lui et Gérald avaient redouté, car il ne s'abusait pas sur l'indomptable fierté d'Herminie. Néanmoins, Olivier, voulant tenter un dernier effort, lui dit « Mais enfin, mademoiselle Herminie, songez-y. Je vous en supplie. Gérald fait tout ce qu'un homme d'honneur peut faire en vous offrant sa main. Que voulez-vous de plus ?»« Ce que je veux, monsieur, je vous l'ai dit. C'est être traité avec la considération qui m'est due et que j'ai le droit d'attendre de la famille de monsieur de Saint-Terre. Mais mademoiselle, Gérald ne peut que vous répondre de lui. Exiger plus serait... Tenez, monsieur Olivier, » dit Herminie après un moment de réflexion et interrompant l'ami de Gérald. « Vous me connaissez. Vous savez si ma volonté est ferme. Je le sais, mademoiselle. Eh bien, de ma vie, je ne reverrai Gérald, à moins que madame la duchesse de Saint-Terre, sa mère, ne vienne ici. »« Ici ? » s'écria Olivier stupéfait. « Oui, que madame la duchesse de Saint-Terre ne vienne ici, chez moi, me dire qu'elle consent à mon mariage avec son fils. Alors, on ne prétendra pas que je me suis imposé à cette noble famille. » Cette prétention, qui semble et qui était en effet d'un incroyable et superbe orgueil, Herminie l'exprimait simplement, naturellement, sans emphase, parce que pleine d'une juste et haute estime de soi, la jeune fille avait la conscience de demander ce qui lui était dû. Cependant, au premier abord, cette prétention parut à Olivier si exorbitante qu'il ne put s'empêcher de répondre dans sa stupeur « Madame de Saint-Terre, venir chez vous, vous dire qu'elle consent au mariage de son fils ?» « Mais vous n'y songez pas, mademoiselle Herminie, c'est impossible. »« Et pourquoi cela, monsieur ?» demanda la jeune fille, avec une fierté si ingénue, qu'Olivier, réfléchissant enfin à tout ce qu'il y avait de généreux, d'élevé dans le caractère et dans l'amour d'Herminie, répondit assez embarrassé. « Vous me demandez, mademoiselle, pourquoi madame de Saint-Terre ne peut venir ici vous dire qu'elle consent au mariage de son fils ?»« Oui, monsieur. » »« Mais mademoiselle, sans parler même des convenances du grand monde, la démarche que vous exigez d'une personne de l'âge de madame de Saint-Terre me semble... » Herminie, interrompant Olivier, lui dit avec un sourire amer, « Si j'appartenais à ce grand monde dont vous parlez, monsieur, si au lieu d'être une pauvre orpheline, j'avais une mère, une famille, et que monsieur de Saint-Terre me recherchait en mariage, serait-il oui ou non dans les convenances que madame de Saint-Terre fit la première démarche auprès de ma mère ou de ma famille pour lui demander ma main ?» « Certainement, mademoiselle, mais je n'ai pas de mère, je n'ai pas de famille, » poursuivit tristement Herminie. « À qui donc, si ce n'est à moi ? Madame de Saint-Terre doit-elle s'adresser lorsqu'il s'agit de mon mariage ?»« Un mot seulement, mademoiselle. Cette démarche de madame de Saint-Terre serait possible si ce mariage lui semblait convenable. »« Et c'est à cela que je prétends, monsieur Olivier. » »« Mais la mère de Gérald ne vous connaît pas, mademoiselle. » « Si madame de Saint-Terre a de son fils une assez mauvaise opinion pour le croire capable de faire un choix indigne, qu'elle s'informe de moi. Grâce à Dieu, je ne crains rien. »« C'est vrai, » dit Olivier, à bout d'objections raisonnables, « je n'ai rien à faire à cela. »« Voici mon dernier mot, monsieur Olivier, » reprit Herminie. « Ou mon mariage avec Gérald conviendra à madame de Saint-Terre, et elle m'en donnera la preuve en faisant auprès de moi la démarche que je demande. » Sinon, elle me jugera indigne d'entrer dans sa famille à l'heure de ma vie. Je ne reverrai monsieur de Saint-Terre. Mademoiselle Herminie, par pitié pour Gérald. Ah, croyez-moi, je mérite plus de pitié que monsieur de Saint-Terre, dit la jeune fille, ne pouvant contraindre plus longtemps ses larmes et cachant sa figure dans ses mains. Car moi, je mourrai de chagrin peut-être. Mais du moins, jusqu'à la fin, j'aurai été digne de Gérald et de mon amour. Olivier était désolé. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer cet orgueil, quoiqu'il en déplorât les conséquences en songeant au désespoir de Gérald. Soudain, on entendit sonner à la porte de la jeune fille. Celle-ci redressa sa tête, essuya les larmes dont son beau visage était inondé, puis, se rappelant la lettre de mademoiselle de Beauménil, elle dit à Olivier « C'est sans doute Ernestine. Pauvre enfant, je l'avais oublié. Monsieur Olivier, voulez-vous avoir la bonté d'aller ouvrir pour moi ?» ajouta la duchesse en portant son mouchoir à ses yeux afin d'effacer les traces de ses pleurs. « Un mot encore, mademoiselle, » reprit Olivier d'un ton pénétré, presque solennel. « Vous ne pouvez vous imaginer quelle est l'exaltation de l'amour de Gérald. Vous savez si je suis sincère. Eh bien, j'ai peur pour lui. Entendez-vous bien, j'ai peur. » En songeant ensuite de votre refus. Herminie tressaillit aux effrayantes paroles d'Olivier. Pendant quelques instants, elle parut en proie à une lutte pénible, mais elle en triompha, et l'infortuné, brisé par cette torture morale, répondit à Olivier d'une voix presque défaillante. « Il m'est affreux de désespérer Gérald, car je crois à son amour parce que je sais le mien. Je crois à sa douleur parce que je sens la mienne, mais jamais je ne sacrifierai ma dignité qui est aussi celle de Gérald. Mademoiselle, je vous en supplie. Vous savez mes résolutions, monsieur Olivier. Je n'ajouterai pas un mot. Ayez pitié de moi. Vous le voyez, cet entretien me tue. » Olivier, accablé, s'inclina devant Herminie et se dirigea vers la porte, mais à peine l'eut-il ouverte qu'il s'écria. « Mon oncle, et vous, mademoiselle Ernestine, grand Dieu, cette pâleur, ce sang à votre front, qu'est-il arrivé ?» À ces mots d'Olivier, Herminie sortit précipitamment de sa chambre et courut à la porte d'entrée.